dialogue présenté par Canadian Bacon ce samedi en marge de la Nuit des Galeries. Donc, un événement pour une soirée seulement. On en reparle à la toute fin. Et bien sûr, c'est important de vous rappeler que tout ce que vous entendrez à l'émission, que ce soit la balado diffusion ou bien même toutes les actualités en art visuel, calendrier, les sélections audio de Simon Roy, on peut trouver tout ça sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com et également, on vous invite à suivre notre page Facebook l'aérospatiale. On s'en va en pause audio. Bien sûr, toujours une sélection de Simon Roy. Cette semaine, il nous présente un groupe Hypoetical et c'est le EP Swing Shift. Donc, on va avoir 4 extraits au cours de l'émission. On commence avec Emotional Truths. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Catherine-Ève Gadoury, une fille bien active dans le milieu culturel de Québec et télévisuel aussi de Québec. À vrai dire, tu es une touche à tout, Catherine-Ève, et tu es ici aujourd'hui pour nous parler d'un documentaire, court-métrage, que tu as, à vrai dire, réalisé avec Marjorie Champagne, David Béricard et Jean-Yvrard Bilodeau, qui s'appelle « Ceci est de l'art ». Oui, on est allé à Venise, on n'était pas les seuls, hein? C'était un peu la frénésie là-bas. En mai dernier, à l'ouverture de la Biennale de Venise, qui est un événement, je pense qu'il y a le directeur du musée des Beaux-Arts du Canada qui a comparé ça aux Olympiques de l'art. Moi, je trouvais que c'est une comparaison qui avait bien du sens. Ben, c'est ça. Et c'est très prestigieux. On avait ce collectif de Québec qui nous représentait là-bas, représentait le Canada. Donc, ça nous paraissait presque incontournable d'y aller. Et nous, on est allé vraiment dans le... Tu présentes ça comme un documentaire, ce l'est. C'est un 26 minutes, mais vraiment dédié à la télé parce qu'on trouve que l'art visuel se rend pas souvent à la télé généraliste. Oui. Alors, ça a été acheté ça par MaTV. Ça va être diffusé sur les ondes de MaTV. Puis, ça s'adresse vraiment aux curieux d'art visuel, mais qui ont pas... nécessairement, qui fréquentent pas tant les musées, les galeries. On n'est pas dans un langage d'initié ou de spécialiste. C'est vraiment un portrait du travail extraordinaire de ces trois gars-là qui sont, tu sais, qui travaillent encore chez nous, à Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, qui se retrouvent à représenter le Canada dans l'événement le plus prestigieux au monde. Il y a quelque chose d'impressionnant dans ce parcours-là, quand même. Oui, certainement. Et puis, c'est une sorte de concrétisation aussi pour tous les efforts qu'ils ont mis pendant toutes ces années également. Donc, et puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on va retrouver un peu dans ce documentaire-là? Est-ce qu'on les suit? En fait, c'était difficile de les suivre parce que, tu sais, Audrey, t'étais là aussi dans l'espèce de frénésie de la Biennale. Il y a des journalistes partout. Nous, on était là aussi dès le départ, pendant les 3 jours professionnels où on invite la presse internationale. C'est du délire, là, ça se passe. Il y a des pavillons partout. Faut peut-être rappeler un peu le concept de la Biennale. C'est que chaque pays a un pavillon, des pavillons nationaux qui sont investis par des artistes de ces pays-là. Et donc, on peut circuler. La plupart sont dans les jardins, les giardini au bout de l'île, mais il y en a d'autres qui sont un peu... À l'Arsenal aussi. Oui, à l'Arsenal. Il y en a d'autres qui parsèment la ville. Et donc, on entre dans ces différents pavillons-là. Alors, c'est la folie. On pouvait pas, nous, suivre BGL. On était là une dizaine de jours. Alors, on a rencontré différents spécialistes québécois, des gens de musées, des commissaires, pour nous parler de BGL, en quoi ils sont si spéciaux, pourquoi ils se retrouvent là, parce que ça marque marquait presque leur 20e anniversaire de carrière, si je me trompe pas. Tu les connais mieux que moi, d'ailleurs. T'as fait ton mémoire sur eux. Exact. Mais donc, c'était difficile d'avoir des entrevues exclusives, d'aller faire du... Alors, on est passé par les différents spécialistes sur place pour faire un portrait de BGL, mais aussi de l'installation Canada Simo qui était dans ce pavillon-là. Et ça, c'était sublime, Audrey, de voir comment ces gars-là, BGL, ont réussi à leurrer le public sur place, à faire ce qu'ils font si bien. Alors, ils ont transformé une partie du pavillon en dépanneur. Okay. Et là, on entrait dans ce dépanneur-là. Et c'est un copier-coller des dépanneurs que vous connaissez ici dans Limoilou ou dans Saint-Sauveur. Ça, moi, ça a été mon moment préféré, c'était de voir ces grands collectionneurs-là débarquer. On est à la Biennale, on est à Venise, c'est sérieux, les gens sont habillés de lin blanc, débarquent de bateaux à 3 étages avec des hélicoptères sur le toit. Là, ça vous donne une idée là, de l'ampleur. La richesse. Oui, c'est peut-être le moment dans ma vie où j'ai senti l'odeur de l'argent le plus près. Il y a beaucoup d'argent en jeu, on l'a senti là. Mais bref, on voit ces gens-là très sérieux s'arrêter dans le dépanneur et prendre la pause, réfléchir devant un sac de Cheetos, se tourner, regarder dans un réfrigérateur, s'arrêter devant des bouteilles de bière de Boréal. Des bouteilles de lait. Qui est bon, etc. Mais toujours avec le regard très sérieux qu'on peut avoir dans une... Je sais pas, moi, devant un Van Gogh au Musée d'Orsay. Alors, c'était très drôle de voir cette espèce de rapport-là à l'art, mais dans un dépanneur. Et là, souvent, les gens se faisaient leurrer, prenaient une boîte de gâteaux Vachon et s'en allaient au comptoir parce qu'il y avait un comptoir avec une guide. Et là, on leur disait, c'est une œuvre d'art, s'il vous plaît, allez replacer ça. Et là, les gens devinaient tout le stratagème. Et ça, c'était une partie, mais ensuite, on se dirigeait en arrière dans l'atelier, un atelier d'un personnage fictif. Et donc, il y avait une espèce d'accumulation de boîtes de conserve. On comprend que le proprio du dépanneur a aussi une vie comme artiste. Et on finissait ça sur une plateforme en haut où il y avait tout un jeu avec des pièces de monnaie dans des petits corridors de métal, si on veut, qui rappelaient un peu ce qu'on peut vivre dans des montagnes russes à Expo Québec. Alors, votre pièce de monnaie suivait tout un parcours. Et c'était assez amusant. Les enfants avaient un fun fou à laisser tomber leurs pièces de monnaie là-dedans. Il y avait toute une poésie, une réflexion autour de l'argent aussi. Oui. Alors, c'est une installation, moi, que je trouvais superbe, et on a essayé de transmettre ça en 26 minutes. C'est assez difficile là, comme exercice, parce que c'est un film tout court. Il fallait placer la Biennale, il fallait placer ce trio-là majeur à Québec, leur travail, et ensuite l'exposition Canadissimo, donc cette installation-là. Alors, je pense qu'on a réussi. C'est ce qu'on va présenter en grande première au Festival de cinéma de la Ville de Québec le 20 septembre à 19h, au carré du Youville. Fait qu'on se croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de pluie. Oui, c'est ça, parce que c'est une scène extérieure. Oui. Et en plus, c'est ça, le plaisir, c'est que c'est gratuit, hein, je pense. Oui, c'est gratuit. Et on fait une pré-projection à la Galerie 3. On invite tout le monde. Il y a un prix d'entrée, un vieux pinceau. Un vieux pinceau, okay. Parce que BGL a besoin de vieux pinceaux. Alors, on offre le vin et on va avoir du plaisir. On fait ça avant la projection. Et il y a un autobus qui vient vous ramasser pour vous amener comme ça en haut de la côte jusqu'au carré d'Youville. Mon Dieu, on était accompagnés du début à la fin. Oui, ben, c'est parce que je connais les gens. Ils aiment bien rester avec un verre de vin. Alors, je voulais absolument qu'ils montent au carré. C'est super. Et puis, ben, peut-être en une minute, est-ce que tu es juste... Par curiosité, j'étais curieuse de savoir pourquoi ce titre « Ceci est de l'art ». Oui, ça, c'est... On est tombé sur des archives, donc de BGL à la sortie de leur bac en art visuel, même si un des trois n'a pas fini son bac, mais on ne dira pas lequel. Donc, exposition des finissants, et ils montrent finalement différentes parties de leur exposition. Et parfois, ils nous disent « Ceci est de l'art » en pointant une partie de leur expo, mais parfois ils pointent le mur et disent « ceci n'est pas de l'art, ceci est de l'art, ceci n'est pas de l'art ». Donc on leur a fait faire la même chose à Venise, en pointant des parties du pavillon, en disant « ceci n'est pas de l'art », en pointant des parties de leur exposition. Et donc on trouvait que c'était pertinent, ça faisait un clin d'œil aux 20 ans, au parcours, ça faisait un clin d'œil aussi à leur production artistique, parce qu'on avec BGL, on ne sait jamais ce qui est de l'art, ce qui n'en est pas. Et on trouve que c'est un parcours tellement cohérent. Là, ça fait 20 ans qu'ils se questionnent aussi sur le sens de l'art. Puis ça nous paraissait être le titre parfait. Mais en toute confidence, on a cherché longtemps. Oui. Ça s'est longtemps appelé BGL à Venise. Oui, mais je pense que aussi c'est très représentatif de cette œuvre qu'il présentait aussi là-bas, oui. Cette espèce d'ambiguïté entre tout qu'est-ce qui est de l'art et ce qui en est pas, justement. Oui. On a une jeune commissaire indépendante du nom de Audrey Carreau qui en parle très bien dans le documentaire. Oui, oui, ça m'a vraiment fait plaisir de participer à ça. J'ai bien hâte de me voir la binette parce que j'ai pas encore vu ce documentaire. Alors, on invite vraiment tout le monde à venir ce dimanche à Place Diouville, donc dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec à 19h pour voir la projection de Ceci est de l'art. Catherine Ève, merci beaucoup merci de ta Audrey. Participation. Alors nous, on retourne en pause musicale, toujours avec Hypothetical 17-Year-Old Angst. Nous sommes de retour à l'aérospatiale. Vous êtes toujours avec Audrey Carreau et je reçois en studio en ce moment donc Marie-Claire Tremblay, une nouvelle collaboratrice à l'émission. Et également, on a une jeune artiste de la relève avec nous, Camille Rajotte, qui présente son exposition à la Galerie des arts visuels. On s'était dit, on va faire un petit spécial galerie en institution scolaire. Donc aujourd'hui, alors on fait un topo. Donc Marie-Claire, tu vas nous parler un peu de ton expérience par rapport à cette exposition-là que tu as vue lors du vernissage jeudi dernier. Oui. Et puis tu vas pouvoir aussi questionner Camille à ce sujet. Alors, je t'écoute. Parle-nous de ce que tu as vu. Quelle est cette expérience que tu as faite à la galerie? Bien, je dirais que ma première impression, c'était vraiment la surprise. Tu m'as surprise, Camille, parce que oui, je connaissais un petit peu ton travail sculptural, mais surtout peut-être d'intégration de l'art à l'architecture, aussi d'art infiltrant, d'art public. Et donc, je suis arrivée à la galerie en m'attendant peut-être sortir à l'extérieur. Je regardais un peu autour, je voyais personne. Je suis entrée dans la galerie des arts visuels et là, j'ai été déjouée. En fait, j'ai été surprise. Je suis sortie en entrant, finalement. On entre, mais on se retrouve à l'extérieur. Donc, c'est quand même déstabilisant. Donc, concrètement, ce qu'il y a devant nous, c'est vraiment une parcelle de ce qu'on retrouve devant la galerie. Donc, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Exactement, hein? Exactement. Les arbres, les arbustes, on a même le terreau, cette petite marche-là de béton. Puis à proximité, on a tout le contexte urbain, le lampadaire, tout ça. Donc, puis voilà, donc ma première impression, ça a été vraiment ça. Ça a été vraiment d'être surprise. Et je sais, Camille, ben, tu me disais, puis je pense que c'est clair aussi dans ton travail, tu t'intéresses vraiment beaucoup aux lieux. Puis ma question, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui t'a marqué au départ, en fait, quand tu as eu le mandat de faire une exposition à la Galerie des arts visuels? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'espace qui était offert à toi? En fait, moi, je travaille beaucoup avec le contexte architectural ou urbain, en fait. Tout dépendant si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Dans le cas de la galerie, bon, j'avais affaire à un espace qui était intérieur. Puis, quand j'ai eu le mandat de faire l'exposition là, j'ai décidé de vraiment questionner l'espace architectural, puis essayer de trouver quelle particularité de cet espace-là je pouvais venir interroger ou sur laquelle je pouvais axer mon projet, finalement. Puis, en fait, l'idée part du mur qu'il y a dans la galerie, de là aussi le titre de l'exposition. Il y a ce mur qui m'empêche de voir. C'est aussi simple que ça. Il y a un mur qui empêche de voir dehors, finalement. Oui. À l'intérieur de la galerie. Puis c'est un mur qui est parallèle à la vitrine. Donc, il empêche, en fait, les gens de voir ceux qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. Ça donne aussi une meilleure... C'est mieux pour la galerie, finalement, mais à l'extérieur, les gens qui sont sur la rue se retrouvent un peu isolés de l'espace intérieur, finalement, de l'exposition qui se passe là. Donc, je voulais jouer sur ce mur-là, puis un peu inverser cet isolement-là, finalement. Donc, les gens qui se retrouvent maintenant à l'intérieur ont accès de manière un peu détournée par, justement, la représentation telle quelle ou presque de... l'espace extérieur avec le mobilier urbain, la plate-bande et tout ça, et les sons, mais ils sont pas à l'extérieur finalement. Donc, c'est vraiment un jeu d'équivalence, mais il y a quelque chose qui manque, c'est sûr. Il y a l'expérience directe de la rue, il y a le visuel qu'on n'a pas non plus, on a juste l'auditif. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai voulu orienter le projet sur ce mur-là, puis les gens qui se retrouvent finalement à l'intérieur. C'est eux qui sont isolés de la rue. OK. Vraiment, ce jeu-là, intérieur-extérieur. Puis moi, ce que j'avais constaté aussi, c'est que tout de suite, quand même en deuxième lieu, je suis allée vers le mur, parce que bon, c'était aussi le propos de l'exposition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on se trouve à la hauteur du mur, à mi-chemin, on n'a quand même pas la vue des deux univers. Donc, ça reste dans notre tête complètement identique, alors que ça allait peut-être pas tant que ça, mais c'est quand même fait de manière très minutieuse, mais dans le sens, l'illusion est parfaite, finalement. On a vraiment l'impression que c'est tout à fait le même espace. Autre chose aussi qui m'a marquée, c'est, tu parles justement qu'on est dans un autre lieu, puis je pense qu'il y a autre chose aussi qui collabore à ça, c'est vraiment te placer un genre de lignes. Oui, c'est ça, des lignes blanches, vraiment, qui forment un genre de cube. Donc, vraiment, on entre dans cet espace-là. On dirait qu'on franchit des murs invisibles. Je trouve ça concourt aussi à l'expérience. Puis, moi, j'aime bien regarder aussi la réaction des gens au vernissage. Puis, les gens, il y avait comme une petite hésitation, là, comme si, oups, hein, on franchit quelque chose, on entre dans un autre univers. Qu'est-ce que c'est que cette ligne-là? Qu'est-ce que ça a comme signification dans ton travail, ce côté linéaire-là, dans le fond? En fait, je dirais que c'est... ça, c'est vraiment quelque chose qui est répétitif dans ma pratique, finalement. Là, je retrouve ça dans plusieurs projets, ce genre de ligne-contour-là. Puis pour moi, c'est vraiment une délimitation de l'espace, finalement. Okay. C'est comme si j'avais vraiment délimité l'espace... que j'avais repris de l'extérieur. Puis pour moi, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que le projet pourrait fonctionner sans le cadre blanc qui entoure l'espace? Puis pour moi, il manque quelque chose, en fait. Puis j'aime ce jeu-là de mur invisible, finalement, de genre de... On a vraiment l'impression qu'il y a une paroi alors qu'il n'y en a pas. Puis c'est vraiment juste à cause des lignes, contours créés par le gros cube. Ben moi, je te l'avais dit, j'avais ce feeling-là du vortex. Je sais pas quoi, j'avais quelque chose d'un petit peu imaginaire aussi en tête. Ça me faisait penser à ça, comme si vraiment on entre dans un espace autre, finalement. Également, ben, je pense que ce qui est marquant, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, c'est que l'illusion, en fait, est vraiment parfaite. Tu as travaillé vraiment de manière très minutieuse. Au niveau technique, ça, c'est toujours le petit côté, moi, qui me questionne, qui me rend curieuse aussi. Comment tu as pu arriver au niveau technique à cette illusion-là parfaite? Est-ce que tu avais des contacts avec la ville? Est-ce que c'est du faux? Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est des vraies armes, tout ça? Comment tu as travaillé, en fait, dans ce projet-là? C'est un amalgame de plusieurs choses. Il y a vraiment... il y a d'abord un prêt de certains éléments de mobilier, le lampadaire, le banc, le rack à vélo, c'est tous des prêts. Donc, c'est des objets qui sont les mêmes qui sont utilisés à l'extérieur. Puis, au niveau de la plate-bande, ben là, j'ai travaillé avec j'ai des arbres qui sont, comme ils sont taillés pour entrer à l'intérieur du cube. Eux agissent vraiment comme une représentation de l'arbre. Là, c'est des arbres qui sont morts. OK. Puis, il y a des arbustes au sol qui, eux, sont vivants, là. On les entretient. OK. Puis, donc, ils sont en terre, tout ça. Puis, tous les autres éléments de la plate-bande, ben je les ai construits... par moi-même, en essayant vraiment d'aller chercher quelque chose qui, justement, donne l'illusion d'être la vraie chose, d'être le vrai bloc de béton qui est utilisé dans la rue, mais à mes propres moyens, finalement, là, parce que c'est pas des vrais blocs de béton. OK. Donc, il y a un amalgame un petit peu de décor et décor, de décor, construction et vrai. OK. Ouais. OK. C'est quand même impressionnant parce que le résultat est vraiment intéressant. En terminant, ben je pense que ce projet-là, c'est une étape importante pour toi dans ta carrière. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est la fin de ma maîtrise avec ce projet-là. C'est ce qui clôt ma maîtrise. D'ailleurs, la journée même du vernissage, j'avais eu mon jury de maîtrise, l'évaluation fatidique finalement, mais tout s'est bien passé. Puis oui, ben là, je m'enligne vers de nouveaux projets. Là, la maîtrise est terminée avec ce projet-là. Ben je pense que ton travail est vraiment à surveiller pour suite, ce questionnement-là des lieux, de l'espace public. C'est un sujet aussi d'actualité dans la ville dans laquelle on habite. Donc, ben bravo. Oui, merci. Et aussi, je pense qu'on peut voir une de tes œuvres dans le hall, l'édifice de la fabrique également, aussi une intégration à l'architecture. Oui. Donc, je rappelle à tout le monde les dates de l'exposition, donc qui se termine le 11 octobre. Donc, vous avez encore beaucoup de temps, mais il faut quand même pas oublier d'y aller. Donc, jusqu'au 11 octobre, il y a ce mur qui m'empêche de voir de Camille Rajotte. Alors, merci Camille d'avoir été avec nous et merci Marie-Claire de ta présence. C'est un plaisir. Merci. Merci Audrey. Merci, on s'en va en pause. 89.1. Denis Lelièvre, Jacques Bégin, Hubert Tremblay, Dominique Plante et Gilles Chaumel vous proposent une sélection de musique jazz tout azimut à l'émission Midi Jazz de lundi à vendredi. Une présentation d'Audiolite. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Vous êtes toujours en compagnie de Audrey Carreau et j'ai devant moi une autre nouvelle collaboratrice, Louane Bourdeau. Bienvenue. Salut, merci. Alors, aujourd'hui, tu t'es donné comme mandat de nous présenter la galerie Espace Parenthèse du Cégep Sainte-Foy, hein, parce qu'on est toujours dans l'idée de parler d'expositions ou de lieux qui sont de galeries en institution scolaire. Et puis, ben, tu viens nous parler un peu de cette galerie-là que parfois, vu qu'elle est un peu excentrée du centre-ville, on oublie. Hein? Oui, effectivement, les galeries en milieu scolaire, c'est souvent, c'est peut-être un petit peu moins habituel dans les parcours. Il y a peut-être un peu moins de couverture médiatique, mais c'est vraiment des endroits qui nous permettent de découvrir des artistes en début de carrière, des commissaires qui ont vraiment qui sont de la relève, mais aussi parfois des artistes qui ont une carrière déjà bien établie, qui vont nous présenter des nouveaux travaux. Donc, il y en a plusieurs dans la ville de Québec. On peut passer à la Galerie des arts visuels, dont Marc-Claire vient de nous parler, mais aussi, par exemple, à la Salle des Jardins, à l'Université Laval. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler d'Espace Parenthèse du Cégep de Sainte-Foy. C'est une galerie qui existe déjà depuis 1985, même s'il y a eu un changement de nom. Donc, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps. Présentement, vraiment, le mandat de la galerie, c'est de présenter les nouvelles tendances en art actuel, mais aussi des mouvements qui ont vraiment jalonné l'histoire de l'art québécois. On peut donc trouver toutes sortes d'expositions, mais aussi parfois des expositions à caractère plus didactique ou des expositions des étudiants de différents programmes, là, soit art visuel, design de présentation, design industriel du Cégep. Donc, en fait, je vais vous présenter très brièvement l'historique, si on veut, de la galerie. La galerie, entre 85 et 2009, se nommait la galerie Trompe-l'œil. Donc, c'est en partir de 2009 qu'il y a vraiment eu un changement de nom pour Espace Parenthèse. C'est en fait pour marquer les rénovations qui avaient eu lieu. Il y a eu un agrandissement qui a presque doublé l'espace. Oui, c'est vrai. D'exposition. Puis, on peut noter quelques noms importants qui sont passés par Trompe-l'œil ou Espace Parenthèse, tout dépendant des années. Donc, il y a BGL, Thierry Arcan-Bossé, Jean-Pierre Morin, mais aussi d'autres artistes qu'on pourrait considérer un peu plus comme de la relève, par exemple Stéphanie Auger, Marie-Ève Fréchette. Et puis aussi des organismes qui ont exposé à Espace Parenthèse, dont Vincent et moi, donc un organisme qui travaille avec des gens qui ont différents problèmes de santé mentale. Le lieu en tant que tel de l'Espace Parenthèse, c'est en fait un lieu qui vraiment joué d'une très grande visibilité parce qu'en fait, c'est la porte d'entrée de la bibliothèque du Cégep. Okay. Donc, chaque jour, on a des dizaines, sinon des centaines d'étudiants qui passent par là. Donc, vraiment une très grande visibilité. C'est un espace qui se prête tant des installations qu'à des œuvres sculpturales ou des œuvres en accrochage. Donc, vraiment là, on peut voir toutes sortes de médiums, de techniques qui sont utilisées, puis vraiment toutes sortes de générations d'artistes. Je vous présente très rapidement la programmation d'automne. Donc, il y a déjà une exposition qui s'est terminée ce week-end. C'était l'exposition « L'âge d'or et toutes ces conneries du passé » de Julien Lebargie. Donc, ici, c'était vraiment une exposition de sculptures qui faisait vraiment appel à la mémoire de l'histoire, mais sous deux facettes différentes. Il y a l'histoire personnelle, l'enfance, l'histoire du « je », et il y a aussi l'histoire avec un grand H, l'histoire du « nous », donc vraiment toute la culture. Puis, Julien a vraiment ici travaillé avec des objets, des fois de consommation, de décoration, vraiment joué avec les différents sens qu'on peut y mettre. C'est vraiment une exposition qui, à la fois avait des très grandes pièces, mais aussi des petits détails. Donc, c'est vraiment super intéressant de se promener, de prendre le temps de regarder. Malheureusement, comme je disais, l'exposition est déjà terminée pour Julien. Oui, c'est ça. Cependant, vous pourrez le voir à la Villa Bagatelle. Il fait partie de l'exposition collective L'art en soi. Et aussi à la Clarté Dieu en duo avec Marie-Claude Drolet présentement. Super, ça. Donc, ce qui s'en vient, donc on a Lucienne Cornet du 21 septembre au 9 octobre. Donc, Madame Cornet, c'est une artiste qui a une carrière déjà beaucoup plus établie. Donc, ici, je pense que c'est quasiment une carrière de 40-50 oui, ans. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, ici, on part d'un artiste de la relève à quelqu'un qui est beaucoup plus établi. Donc, Présentement, elle expose à la galerie Louise Carrier de Lévis. Si vous voulez avoir des previews de ce qu'on pourra voir, vraiment des travaux à partir de fragments de travaux plus anciens qu'elle va remettre ensemble pour faire vraiment des évocations de jardin. Et finalement, du 19 octobre au 6 novembre, on a Annie Charland-Thibodeau qui va nous présenter d'autres pièces. D'ailleurs, Annie est une chroniqueuse ici, à l'émission. Une de nos collaboratrices. Exactement. Effectivement, super. Donc, elle va nous présenter, en fait, les résultats de sa résidence en Irlande au printemps 2015. Donc, des sculptures que vous avez peut-être pu voir à l'exposition Les Anneaux de Saturne, qui a eu lieu un petit peu plus tôt cet été. Mais ici, vraiment, les sculptures réinstallées dans l'espace comme des installations. Donc, vraiment, ici, un travail qui est assez... Oui. C'est novateur. C'est ça, puis je pense que d'ailleurs, elle nous était venue au printemps nous en parler à l'émission pour les auditeurs, vous pouvez aller réécouter cette émission-là. Oui, donc pour vous parler un petit peu... On pourrait peut-être terminer sur les heures d'ouverture. Oui, hein, exactement. Aussi. J'étais étonnée en voyant les heures d'ouverture. En fait, c'est assez formidable parce que comme c'est l'entrée de la bibliothèque, c'est ouvert de 7h15 le matin à 20h45 le soir. Donc, tant pour les lève-tôt qui veulent se réveiller avec de l'art que pour les gens qui vont, par exemple, voir un spectacle à la salle Albert Rousseau, ben c'est l'occasion de faire un petit détour, prendre le temps d'aller voir ce qui s'y fait. Donc, vraiment... Comme je disais, c'est vraiment un endroit une salle d'exposition qui est assez extraordinaire pour toutes les possibilités qu'elle offre, là. Donc, ça vaut la peine d'y passer. Oui, c'est certain. Donc, on rappelle, comme tu disais, à l'entrée de la bibliothèque du Cégep. Le Cégep qui est au 2410 Chemin Sainte-Foy. Super. Et puis, moi, pour terminer sur une petite anecdote, je me rappelle que avoir jasé avec des artistes qui m'avaient dit qu'avant les rénovations, la galerie Trompe-l'œil, ils se souviennent du tapis qui recouvrait la salle d'exposition. Et je me rappelle d'ailleurs avoir vu là des photos de ce tapis-là. Oui, c'est ça. C'est un peu marquant comme élément. Et puis, c'était nos amis BGL qui avaient fait une expo là-bas en 97, expo sur tapis. Avec des aspirateurs faits en bois. En tout cas, c'était magique. Bon. Mais pour être allé voir l'exposition de Julien, présentement, il n'y a plus de tapis. Inquiétez-vous pas à ce niveau-là. Voilà, on a optimisé le tout. On a mis ça, on a modernisé les espaces. Alors, on invite tout le monde à se présenter à cette galerie, donc à Sainte-Foy, au Cégep de Sainte-Foy. Alors, Louane, merci beaucoup pour cette chronique. À bientôt. Et à bientôt, oui, merci. On retourne en pause musicale. Cette fois-ci, c'est l'extrait After the Rain. On est de retour pour une dernière entrevue et j'ai avec moi donc Philippe Salévilla qui est avec nous pour nous parler d'un événement qui a lieu cette fin de semaine, donc samedi, c'est ça? Oui, bonsoir Audrey. Allô. Oui, ce samedi, on a une exposition satellite des expositions du collectif Canadian Bacon. L'exposition se nomme Dialogue. Elle aura lieu pour un soir seulement. Oh! Ouais, de 16h à 23h. D'habitude, on a une tendance à déborder jusqu'aux petites heures du matin, oui, mais là, oui, on est restreint dans le temps. Donc, c'est vraiment une exposition qui sera très cordée. Parfait. Ouais. Et moi, j'étais curieuse de savoir parce que je me rappelle que dans d'autres émissions de l'aérospatiale, j'avais présenté les autres événements de Canadian Bacon, oui, mais j'avais pas eu l'occasion de présenter qu'est-ce que c'était le Canadian Bacon Club. Est-ce que tu peux nous en glisser un peu mots? Premièrement, merci de t'intéresser à nous autres. C'est super gentil. J'apprécie ça. Puis je suis sûr que tout le monde du collectif l'apprécie aussi. Canadian Bacon, tu sais, Canadian Bacon Club, c'est plus pour rigoler, là. On appelle plus ça le Canadian Bacon ou CB. C'est comme un collectif que, aux apparences d'un grand navire. Je suis un peu derrière le gouvernail. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Puis à chaque fois, je vais sur le bord du quai et lire à mes amis. Bon, c'est qui embarque? T'sais, tout le monde qui sont dedans savent qu'ils sont dedans, mais à chaque fois, c'est comme une nouvelle aventure. Ceux qui sont prêts à ramer, ils embarquent dans le bateau qui est dirigé par moi et aussi un de mes bons amis, François Lapierre. Okay. Puis on fait des expositions de Canadian Bacon qui sont des expositions collectives où est-ce que tu retrouves du monde beaucoup du milieu du graffiti, street art, le tatou, l'illustration. C'est assez éclectique, merci. Puis des fois, on organise des expositions satellites. Donc c'est notre organisation qui prend en charge l'exposition, mais c'est pas un Canadian Bacon, parce que nos expositions, c'est assez particulier. Je m'applique vraiment à faire des expositions très fortes, très intenses ou tout. C'est du moment que vous rentrez dans l'exposition, chaque détail est pensé de où est-ce que vous allez poser les yeux, puis qu'est-ce que ça va vous faire, puis qu'est-ce que ça va vous faire vivre. Puis on a des idées qui viennent. On a eu le GPS l'année dernière, qui était le grand projet secret. Oui. Ensuite, là, on a Dialogue. GPS, c'était une exposition où est-ce que Canadian Bacon, on allait plus vers les jeunes, vers on visait, tu sais, toute la relève. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais eu la chance d'exposer. Puis on y avait personne de un peu plus vieux que moi, là, tu sais, d'une dizaine d'années de plus que moi, ou cinq, qui en plus vieux que moi. Ils disaient, hey, embarque dans le bateau. Il y a eu Alexandre Lemay, qui, en demandant, oui, m'a remarqué dans la galerie Morgan Bridge, à qui je dois énormément, là, s'il m'entend par hasard. Merci Alex pour tout. Et puis sinon, c'est ça, là, on est rendu. J'avais un autre rêve qui était d'aller vers les plus vieux. Donc là, on fait une exposition intergénérationnelle. Fait que ça va être super trippant. J'ai pris 10 personnes du collectif. Okay. On a en moyenne 30 ans. Le 29 ans, c'est la moyenne. Puis, on rencontre 10 artistes qui ont plus que 60 ans. Donc, déjà plus qu'une trentaine d'années de carrière. Il y en a qui sont beaucoup plus professionnels que d'autres. Mais tout leur travail est digne d'être regardé. C'est très différent que qu'est-ce que nous, on présente. Puis, ce qu'on va présenter, c'est ça. Là. C'est le dialogue des duos entre artistes. Puis c'est ça, là, je sais pas si ça répond à la question. oui, et plus, mais c'est ça, c'est intéressant parce qu'on voit justement dans la, si on peut dire, dans le groupe des artistes plus établis, oui, on a André Bécaud, André-Philippe Côté, le oui, caricaturiste. Oui, c'est exact, André-Philippe Côté là avec sa conjointe Mira Falardeau, oui, qu'on est très chanceux d'avoir avec nous. Aristide Gagnon, qui est un artiste qui a aujourd'hui 84 ans, oh, qui est un des premiers qui a gagné un des prix du Québec, qui est un artiste super sympathique. C'est, je suis chanceux, c'est moi qui est en duo avec lui. C'est le doyen de l'exposition, bien entendu. On a Bruno Gagnon, qui est un photographe. Don Darby, si vous le connaissez, qui est un sculpteur, qui est à la Galerie Lacerte. Il y a eu une rétrospective. C'était Amel Bruno. Marie Rioux, qui est l'instigatrice, à vrai dire, de l'expo au début, parce que je pourrais peut-être prendre la peine d'expliquer comment est arrivé Dialogue, parce que j'ai toujours eu cette idée-là de faire une exposition intergénérationnelle, mais c'est André Bécaud qui m'avait invité un jour pour prendre un café. Okay. Puis là, je pensais juste que j'allais prendre un café, puis j'ai réalisé que non, là, plein de gens venaient, puis ils organisaient une exposition à la Bonne Franquette pendant la Nuit des Galeries. Puis c'était comme une idée de faire une espèce de petit hijack à la Nuit des Galeries. C'est puis de la manière que ça se disposait, Je suis habitué, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expos les derniers temps. Donc, quand j'arrive dans un lieu, je vois comment le maximiser puis en tirer son plein potentiel. Puis, je voyais la place d'ajouter du monde. Donc, je leur ai proposé l'idée. Puis, un grand merci à Marie Rioux puis à André qui m'ont invité puis qui m'ont fait confiance parce qu'ils me connaissent pas beaucoup. Puis, ils ont cru en mon énergie puis au projet. Puis là, on est arrivé. Ben eux autres, c'est eux autres qui ont fait la sélection des artistes de la génération avant nous. Puis moi, je me suis occupé du reste. Oui, donc vraiment, c'est assez prometteur. J'ai bien hâte de voir justement ces rencontres artistiques-là entre générations. Et puis, aussi, c'est intéressant parce que les autres événements avaient tendance à être plus situés dans le quartier Saint-Roch, alors que là, on se retrouve plus dans le quartier du Petit Champlain. Bon, comme tu l'as mentionné rapidement, c'est en marge de la Nuit des Galeries qui va avoir lieu là. Donc, puis c'est dans quel lieu exactement? Oui. J'ai vu le 185 rue Saint-Paul. Ouais, c'est quoi au juste? Ben là, c'est ça, c'est tellement le fun. On pénètre le Petit Champlain, on rentre dedans. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, le Petit Champlain, c'est des galeries qui ont un peu une tendance plus commerciale la plupart du temps, pas toutes, qui ont des thématiques qui reviennent souvent autour de Charlevoix, Château Frontenac, c'est plus classique, c'est traditionnel. À chaque année, ils organisent la Nuit des Galeries, où est-ce que toutes les galeries sont ouvertes, les gens ils vont prendre un verre de vin, c'est des vins d'honneur, donc beaucoup en profitent pour prendre un petit coup, beaucoup en profitent pour se rincer l'œil avec les multiples œuvre d'art. Mm-hmm. Puis c'est fait, toutes les galeries doivent avoir une organisation avec ça. Puis nous autres, vraiment, on s'immisce dans ce milieu-là. Le local est un local qui appartient à un ami à Marie Rioux. C'est un local qui était alloué, qui était vacant. Donc, il lui prêtait pour faire l'exposition. J'ai été invité. Puis c'est ça, j'aurais comme proposé un projet sur le coup de même. Puis je pense qu'ils ont embarqué avec l'audace de l'idée. Puis c'est sûr, je ne les décevrai pas. Puis vous autres aussi, je pense pas que vous allez être déçus, là, parce que à chaque jour, déjà, je suis en train de le monter. Puis c'est flyé pas mal. Là. C'est différent, complètement. C'est pas un Canadian Bacon habituel pour ceux qui sont venus. Là, c'est quelque chose de différent. Puis je suis vraiment content de pouvoir présenter ça. Puis dans le Petit Champlain, ben c'est le lieu mythique des arts un peu à Québec. Tu sais, ben des arts. Touristique puis tout oui. ça commerciaux, mais c'est justement bon, ben nous autres Canadian Bacon, j'ai toujours considéré qu'on est comme une espèce de gang de pirates sur un bateau, puis on est là, puis on s'amuse, mais y a aucune malice, on est juste super énergique. Puis là, on a une chance de rentrer là où est-ce que c'est difficile pour notre espèce de contre-culture, peut-être, ou la culture alternative qu'on représente. Veux pas, tu sais, le graffiti, street art, c'est sur les murs, souvent l'illégal, le tatou. Fait que là, c'est vraiment une chance pour nous en gang de mettre un premier pied ou un premier doigt là-dedans. Puis idéalement, ben on l'a mentionné, c'est une première édition. Moi, mon rêve était de le faire à 30 artistes de mon collectif. On est quand même 50 maintenant, oui. Après toutes les expositions qu'on a faites. Donc, à peu près 30-30, donc faire de quoi de majeur. Mais là, c'est l'embryon pour voir ben comment qu'on fonctionne. Est-ce que les artistes d'une génération de plus nous font confiance? Quels sont le genre d'exigences qu'ils ont en tant qu'artistes, en tant que juste pour la présentation, la manière que ça se fait? Donc, je pense que ça se prête super bien. Là. Puis le lieu est très différent aussi de qu'est-ce qu'on est habitué d'avoir. Donc, c'est un autre univers, là. Oui, et puis je lisais aussi que c'était, donc comme tu le dis, une exposition satellite, mais la 5e édition de Canadian Bacon s'en vient. Est-ce que tu as le droit de nous en glisser un petit mot? Ben oui, je peux vous en glisser. Tu sais, je peux en parler. Je suis super ouvert avec mes projets. Là, tout le monde le sait, je suis assez grande gueule. Mais Canadian Bacon 5, là, ça va arriver. Tu sais, tout le monde est un peu prêt. Tu sais, tout le monde est sur le qui-vive. Mais ce qui nous manque, c'est un local. Puis après notre dernière exposition à Montréal, où est-ce qu'on a pu peindre tous les plafonds, tous les planchers, tous les murs pouvaient être peints, on pouvait tout salir, c'était rempli de couleurs partout. Ben moi, je serais pas capable de me contenter de moins que ça. T'sais, nous autres, on a eu aussi, qu'est-ce qui est comique, c'est qu'on a eu rue Saint-Paul à Montréal, on a eu 8000 pieds carrés, c'est le groupe MAC, la société immobilière de Saputo, qui nous ont fait confiance avec le Yves Laroche, le galeriste, qui nous a fait confiance pour faire ça. Fait que là, je suis comme, bon, ben, nous, on est dans notre ville natale, on est tout le groupe de la ville, mais faut trouver un emplacement pour continuer à aller plus loin. Canadian Bacon, moi, je vous jure, là, on présentera rien rien de moins impressionnant que le dernier. Puis chaque fois, on veut juste que vous ayez plus de plaisir à avoir une expérience avec l'art. Donc, ça va arriver quand on va trouver un local, mais ça dépend toujours des moyens. Puis j'ai toujours été celui qui a subventionné de ma poche. J'ai jamais eu de subvention pour Canadian Bacon. Donc, tout le temps, moi qui paye tout. Donc là, avec la murale que j'ai faite cet été, ça m'a coûté 3 000 $, ce qui était pas mal mon fonds de roulement de Canadian Bacon. Donc, c'est soit le temps que je me refasse pour pouvoir louer 3 000 $ de loyer, ou quelqu'un qui nous entend, qui essaie de me rejoindre, me dise « Hey, moi, j'ai 5 000 à 6 000 pieds carrés à t'offrir. Tu peux peindre ces murs si tu veux. » Ma Canadian Bacon va arriver, là. Mais c'est ça. C'est vraiment une histoire de « On veut plus, puis on veut vous donner plus. » Fait que je préfère prendre le temps que vous décevoir. Donc, c'est ça. Toujours pour se surpasser, oui, avoir quelque chose de mieux. Et puis, ben c'est super. C'est extrêmement stimulant, tout ça. Puis, ben en attendant la 5e édition, on va passer voir l'exposition satellite. Donc, je rappelle qu'il a lieu ce samedi 19 septembre à compter de 16h jusqu'à 23h au 185 rue Saint-Paul. Oui. Et c'est gratuit, j'imagine? C'est gratuit, bon, ben oui. Super. En plus, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Oui, ouais, c'est ça. Puis c'est la nuit des galeries. Je le répète, toutes les autres galeries. T'sais, nous, on s'immisce là-dedans, mais il y a plein de bonnes galeries là, qui sont là, puis qui ont leur porte ouverte, puis je pense qu'il va y avoir des amuseurs de rue, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est quand même une ambiance familiale, ça va être assez festif. Tu sais, je vais toujours dire, ben, c'est nous autres la place où aller, là. Ça va être le meilleur endroit parce que je vais m'organiser pour que ça le soit, mais ça reste mon opinion. Venez donc faire votre opinion de vous-même, on va être très heureux de vous voir. Super, ben, je te remercie beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Audrey, c'est super gentil. Parfait. Alors, nous, on termine avec une petite pause musicale et on vous revient. Alors, on va terminer l'émission parce que je voulais, à vrai dire, vous permettre de savoir un peu ce qui était en cours pour les expositions. Donc, à chaque fin d'émission, je vais vous faire un petit rappel des expositions, événements de la semaine. Alors, on commence ce jeudi. Il y aura une conférence d'Alain Martin-Richard intitulée « Manœuvrer sur plusieurs plans de réalité, l'art et le quotidien » qui est présentée par la Galerie des arts visuels à l'édifice de la Fabrique, donc bien sûr à l'École des arts visuels de l'Université Laval dans Saint-Roch. C'est à 16h30 et c'est gratuit. On a aussi vendredi soir un vernissage chez Regard à Lévis. Donc, on vous invite à traverser, à prendre le traversier pour aller voir cette exposition d'ouverture forme élargie qui met en scène ici des œuvres de 6 artistes du Canada et de l'international, donc des gens de Québec, de Toronto, mais aussi d'ailleurs dans le monde. Et c'est à partir de 17h. Sinon, samedi, il faut pas oublier que c'est la nuit des galeries, donc dans le quartier du Petit Champlain. Donc, c'est, à vrai dire, en début de soirée, donc à partir, je pense, de 16h et ça jusqu'à 23h. Également, pour ceux qui seraient de passage à Montréal, je fais un petit aparté, on s'en va à Montréal, eh bien, c'est l'inauguration de l'œuvre d'art public du collectif BGL, donc la Vélocité des lieux, dans Montréal-Nord. Je vous invite pour plus d'informations à aller voir l'événement sur Facebook. Et sinon, dimanche, on a bien sûr vernissage chez Michel Guimond, donc la galerie Michel Guimond sur la rue Saint-Paul. Exposition du travail de Marcel Barbeau. Oui, ce grand peintre qui a fait partie des automatistes, mais qui a fait beaucoup plus aussi. On va pouvoir y voir des œuvres de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Le vernissage est à compter de 13h ce dimanche. Pour avoir toutes les informations des expositions et la balado-diffusion de l'émission. Je vous rappelle que tout ça est disponible sur notre page web l'aérospatialecrl.wordpress.com. Et j'aimerais terminer l'émission en remerciant bien sûr mes invités, Catherine-Ève Gadoury, qui est venue nous parler de Ceci est de l'art, documentaire à voir ce dimanche au Festival de cinéma de la ville de Québec. C'est à 19h à Place Diauville et c'est gratuit. Je rappelle aussi que Camille Rajotte était parmi nous tout à l'heure. Son exposition est à la Galerie des arts visuels jusqu'au 11 octobre. On vous invite à aller visiter ça. Et sinon, bien sûr, Philippe Soldivilla qui était là il y a quelques instants pour nous parler de cette exposition satellite de Canadian Bacon, Dialogue, qui aura lieu donc ce samedi à compter de 16h. Merci à mes collaboratrices Marie-Claire Tremblay et Louane Bourdeau. Également, Jacques Gignac à la mise en onde, hein, toujours un fidèle qui est là avec nous depuis tant d'années. Merci Jacques. Et bien sûr, je salue ma comparse de cette émission, Gentiane La France, qui est là avec nous en esprit tout au long de cette émission. Eh bien, c'est déjà la fin pour cette édition du 15 septembre de l'Aérospatiale. Je cède l'antenne dans quelques minutes à Pierre Blais et son émission Situation critique. Merci à tous d'avoir été parmi nous et au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Vous avez besoin de bouger, de respirer ou de méditer? Namasté Yoga. Que ce soit pour du Hatha Yoga, Vinyasa, prénatal, maman-bébé, Power Yoga, Pilates, Yoga chaud ou aérien, Namasté Yoga est qualifié pour guider votre pratique en toute sécurité selon votre niveau. 4 succursales pour mieux vous guider. Namasté Limoilou, Montcalm, Lévis et Saint-Nicolas. Profitez de votre premier essai gratuitement. Le premier mois est illimité à seulement $49. YogaNamasté.ca. Pour ouvrir sa 113e saison, l'Orchestre symphonique de Québec présentera « Couleurs d'Amérique », un concert consacré aux plus grands compositeurs américains du 20e siècle. Sous la direction de Fabien Gabel, le pianiste de réputation internationale, Marc-André Hamelin interprétera avec l'orchestre les extraits de « West Side Story » et du « Concerto pour piano » de Gershwin. En prélude à cette soirée, Béatrice Zachary et Fabien Gabel dès 19h. « Couleurs d'Amérique », le mercredi 16 septembre à 20h avec Marc-André Hamelin au Grand Théâtre de Québec. Informez-vous sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. Le 27 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la cité Limoilou Sport Expert vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Les enfants pourront aussi participer au 1 km. Réservez votre dimanche le 27 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca.